vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Bilodeau nous parlera de l'industrie de la maladie mentale dans D'une foulée à l'autre. On abordera quelques sujets politiques avec François Landry et son segment Logocratie 101. Et on répondra aux grandes questions de la vie dans Arrête avec tes questions. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 28 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. C'est surprenant qu'on soit aussi peu en retard. Oui, quand même. Hein? Il est seulement 5-6. Ah, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être vraiment pire. Je pourrais aussi avoir les pieds beaucoup plus secs. Ah! Ouais. Que tu pensais? Ouais. Mais c'est beau, le campus est vraiment très beau sous la neige, pour vrai, non? Il faut le dire, c'est picturesque, ou comment t'appelles ça? La vue est imprenable, je peux pas la prendre. Non, c'est ça. Cannot take it anymore. Oui, c'est beau ton positivisme. Merci. Oui. Donc, bon matin à vous, bienvenue à notre belle petite émission qu'on appelle Assemblage requis. Et aujourd'hui, au programme à 7h30, Maxime Bilodeau sera là pour sa chronique D'une foulée à l'autre. Et vous le savez, D'une foulée à l'autre, c'est une chronique avec des sujets complexes qui seront démystifiés par cet homme, ce phénomène. Est-ce normal que la psychiatrie entretienne des liens ténus avec l'industrie pharmaceutique? Qu'est-ce qui justifie l'épidémie de dépression et autres maladies mentales que nous connaissons actuellement? La maladie mentale est-elle vraiment une simple question de cerveau chimiquement dysfonctionnel et de déséquilibre de neurotransmetteurs? Toutes ces questions et bien d'autres sont abordées dans « Tous fous, l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la psychiatrie », un ouvrage de Jean-Claude Saint-Onge paru plus tôt ce mois-ci chez Éco-Société. À l'aube de la publication de la 5e édition du manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, ce livre mène une charge à fond de train contre l'industrie de la maladie mentale. C'est d'ailleurs de celui-ci et de sa lecture dont il sera question à 7h30 dans D'une foulée à l'autre. Wow! On va préparer des questions, OK? Ensuite de ça, à 8h, on aura évidemment Karina Tardy de QTR en spectacle. Ouais, je sais pas. Peut-être. Elle m'a pas dit qu'elle serait pas là, en tout cas. Ah, je pense qu'on a une information contraire. On verra. Ben, tu devrais plus le savoir que moi, en fait, donc... tu sèmes le doute. Elle sera pas là? Je sais pas. OK. Je vais confirmer. Non, ça me dérange pas. Moi non plus. On va faire d'autre chose, ça. Ben, Vincent, c'est pas là. Non, ça, je savais, par exemple. Il va être là cet après-midi. Ouais, mais, tu sais, mais... Ça aurait été le fun, ce matin. Ça fit comme pas en tout au palmarès, mais c'est pas grave. Ouais. Ben, tu sais, on va se dire, il serait pas arrivé ce matin. Non, hein, il part de Montréal. Genre à se lever tard aussi, peut-être. Ouais, peut-être. On le connaît pas. Vincent, c'est... Alors, bref, on fait comme si on n'avait rien dit depuis les deux dernières minutes. Qu'est-ce et qu'on on passe dit? À 8 h, je sais pas, 8h30? 8h30? Moi, c'est la dernière affaire que je me rappelle avoir entendu, c'est 8h30. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. François Landry va être là pour sa chronique politique Logocratie 101. Et le titre de sa chronique aujourd'hui, attention, c'est Tir groupé contre Trudeau. Tir groupé contre Trudeau. Improvisation libre. 4 minutes. 4 minutes 30. C'est long, ça, 4 minutes 30. Vive. Moi, j'essayais de faire une pénalité. Vive. Le petit gazou. Ou le petit la boucle de le nœud papillon dans la pub de la cuit. Oui. Quelques temps. Pour ceux qui sont fans de C'est fou puis qui nous écoutent. Ouais. Vous savez de quoi je parle. Sinon, ben mangez dans votre déjeuner. Ben oui. Il est tôt là quand pour déjeuner. Mais bon. Je mangeais des muffins aujourd'hui. Hey, pas pire, deux muffins, c'est plus que moi depuis les 3-4 dernières années, ça. Deux muffins. T'as jamais rien mangé de plus? Non, oh. Mais je mange pas de muffins, je devrais, mais. C'est bon, des muffins. Tu sais ce que ça me donne envie de manger? Une barre Mars. Oh! Et ça tombe mieux parce qu'on est en studio. Anecdote, oui. David Ferron, hier, si vous vous rappelez, avec nous, on avait Stéphanie Paradis, toi et David Ferron. Et puis, on a parlé dans une chronique de barre Mars. Si ça vous intéresse d'écouter l'émission d'hier, je vous le conseille pas. C'était graphique. Oui. C'était pour un public averti. C'est un peu comme si y avait un décollage de fusée, ouais, qui était représenté par la barre Mars. D'accord. Vers la Lune. Et la Lune est représentée par tes fesses. Exactement. D'accord. Il me semblerait que c'est supposé être le fun. Pour certains. La stratosphère. Stratosphère. OK. Donc voilà, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va avoir autour de ça plein d'autres trucs. On va faire Arrête avec tes questions à la fin de l'émission. Et CNX au début de l'émission. Et évidemment, c'est la dernière journée de la semaine avant la semaine de relâche. Oui. Voulant dire que la semaine prochaine, ça va être pas mal juste des chroniques de nous autres. Mais on va avoir du fun. On va avoir du fun! Oui. Oh! En fait, pour ceux qui ne se seront pas couchés, parce que c'est la semaine de relâche, ouais. Qu'il y en a qui vont sûrement être encore debout, ben ils pourront nous écouter de 7 à 9. Excellent point. Oui. Convaincant. Moi, là, tu sais, pour revenir un petit peu avec la barre Mars et les foufounes, moi, si ça m'arrivait, je ferais comme « Yeah! Mars ça plus là! » Marsopula. Marsopula. Mais je veux pas qu'ils remettent ça là. Ah, remets ça plus là. Ouais, Marsopula. Ça doute un peu là. Tant qu'à ça, Marsupilami ou quelque chose comme ça. Oui, j'avais juste ça en tête. Ouais, hein? Ça voulait pas sortir. Attends un peu, on va en trouver d'autres, on a le temps. Attends. Ben oui. Hey, tu peux pas mettre ça, on n'est pas dans le bon mois. Bop! Bop! Demain par contre. Ah. Est-ce qu'on fait une émission spéciale demain juste pour pouvoir parler de Barmars dans des foufous? Dans des foufous! Alors, on commence l'émission avec Bio Bazar. Voici And Friends, les amis. Bonne émission, assemblage requis jusqu'à 9h. Ça, là, c'est l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Ouais. Tu mets des Barmars en pyramide. Hein? C'est une figure de style. En plus, une comparaison. Ça tient pas. Ça tient pas. C'est trompé, la fille. Elle dit voici les filets de morue, mais c'est des Barmars. Bah! Il faudrait réécrire chaque chanson pour être approprié. Rio Bazar et la pièce And Friends à Assemblage Requis. On s'entend pas de cette chanson-là, c'est bon. Non, mais voici les filets de morue. Moi, ça me fait rire. Ah, ça donne faim. Hein. Un buffet de filets de morue. Eh oui. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, il est 7h16 minutes. Et maintenant, ben, c'est le moment de parler de technologie, comme on le fait une fois par 6 mois. Voici CNX. C'est évidemment la chronique geek ici à Assemblage Requis. Et comme on le fait quand on fait CNX, c'est-à-dire pas souvent, on fait le survol du net. Hein? Le survol du net de W à WW. Ouais. WWW. Fait qu'on fait un tour. On fait un tour complet, 360 ouais. degrés. Et on commence avec... Ah, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je pense qu'on va... Je peux pas le faire jouer ici, mais je vais baisser ça. Baisser mon fond, que je viens juste de partir. Mm-hmm. Ça donne très, très bien. C'est sur Google.com, / Intel, / Chrome, / Demons, / Speech. L'adresse est sur assemblagerequis.com. Mais bref, là, OK, tu choisis la langue en bas, français. Tu appuies sur le micro, là, ça va ouvrir ton micro. Et là, moi, je suis en train de parler. Et là, je m'approche de mon ordinateur et je dis « Assemblage requis ». Et là, ça me transcrit tout ce que je dis. « Parler maintenant, on essaie. Assemblage métier. Okay. » Ils sont inscrits ici. « Parler maintenant, on laissait à part amitié. » Ils sont inscrits ici. « Parler maintenant, laisser à... » Tout ce que je dis en ce moment est en train de s'écrire. Pas correctement. Évidemment. Évidemment, c'est comme Siri. C'est comme Siri, exactement. Si je parlais avec un accent français, tu vois, il a écrit un accent français, il est capable. Si, le Québécois, par contre, il vient d'écrire « Choisis le roi ». Vive le roi! Il choisit le roi. Bref, allez voir ça sur assemblagerequis.com. C'est une démonstration que ça peut fonctionner. Si vous avez un texte à transcrire, parlez bien et dites-le à Google et vous n'aurez pas à l'écrire vous-même. C'est génial, non? Oh, c'est parfait. Moi, j'adore l'idée. C'est la semaine des travaux de session en plus. Ah! Et voilà. Hey, amenez ça dans vos cours. Eh oui. Transcrivez les dialogues de votre professeur. Donc, l'adresse est sur assemblagerequis.com. Sinon, cherchez Google Web Speech API Demonstration. Ensuite de ça, bringinthecats.com est un de mes sites préférés en ce moment. Et là, évidemment, il prend du temps à ouvrir. Là, mais je pense que je vais pouvoir l'avoir juste pour vous. Ça commence déjà. Yep. Ah. Okay. C'est la chanson la plus gossante du monde. Et c'est une avalanche de chats. Donc sur l'ordinateur, si je te montre ici, ah oui, c'est des têtes de chats. C'est entre autres le Grumpy Cat, qui est une vedette d'Internet en ce moment. Et aussi l'autre chat avec des très très très gros yeux dont je me rappelle jamais du nom, là, mais qui a tout le temps la langue sortie. Là. Et puis c'est cette chanson-là qui joue et des chats qui sont lancés dans l'écran. Mais pourquoi cette chanson-là? En tout cas, il y a de la bass. Puis il chante comme ça tout le long. Yes! Moi aussi, je lis en face de moi, fait que c'est malade. C'est comme une party. Là. Sur nos trois écrans, t'as des chats qui volent partout. On aime ça. Party de lumière. Flash tes lumières. Flash tes chats. Et oh, j'aurais envie de laisser ça comme fond tout le reste de la chronique, mais je suis pas sûr d'être capable de... De me concentrer. Non, c'est Colin. Ensuite de ça, ça c'est génial, j'aime quand les gens ont des idées comme ça, c'est Freddie Wong ici qui reprend le dernier tableau de Super Mario Bros. 3, celui avec le tank et les canons, là. Et la confrontation avec Bowser, mais il met ça à la première personne. C'est une suite du premier tableau qu'ils avaient fait dans le temps, là. Bref, le premier tableau de Mario Bros. 1. Hein, bon. Ça a pris 50 jours pour faire le rendering de cette vidéo-là. C'est vraiment super. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. On voit vraiment le tableau au complet. En fait, il entre sur la carte normale du jeu au Nintendo original. Et ensuite, quand on entre, là, on entre dans la tête de Mario, première personne, comme un jeu à la, je sais pas, comme Doom, là. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus récent, mettons, que Doom, là, tu sais, où t'es la première personne, là. Vous connaissez les jeux vidéo. Call of Duty. Name it, c'est tout pareil. De toute façon, c'est les mots de jeu-là. Non, le nouveau jeu, Name It. Name It? Ah oui, connais pas. C'est fait par la compagnie le Random le Software. Là. Ouais. Donc, allez voir les petits animaux qui lancent des clés, là, comme dans Mario Bros. C'est super bien fait. Là. Le bois est réaliste. Il y a de la pluie qui tombe partout. C'est beau. Sérieusement, ça me fait triper bien raide. AssemblageRequis.com. Et dans le même genre, et là, la raison qui m'a amené à parler de Doom tantôt, c'est que Persistent Guy, sur Internet. Elemental79 est son nom d'utilisateur. Il a pris une capture d'écran de Doom et l'a fait en render, encore une fois, pour l'amener à 9600 par 7211 pixels. Donc, il a utilisé des composites du jeu, des composantes, des composites du jeu, et non pas une capture d'écran, hein, comme c'est ce que ça dit dans l'article. En tout cas, et bref, il a fait donc une version haute définition d'une image qui vient de Doom. Et vous pouvez aller voir comment il a fait ça dans Photoshop sur assemblagerequis.com. Il y a une vidéo qui montre comment il a fait le processus pour amener ça à la haute qualité qu'on a à la fin. Ensuite, si tu t'adonnes un jour à faire du mal à ta copine... ou à ton copain, ou peu importe, n'importe quoi. Ici, la fille a pris tous ses jeux vidéo et les a découpés en morceaux. Ah. Et les a mis dans une boîte de carton et avec, avec le marteau sur le dessus de la boîte pour montrer que c'était à cause de sa rupture et des jeux vidéo exactement que ça n'a pas fonctionné leur affaire. J'imagine que peut-être il a peut-être trompé sa blonde aussi, on sait pas. Parce que il me semble que c'est assez intense de prendre ces centaines de jeux vidéo-là, les découper, les smasher avec un marteau. Ouais, parce qu'on voit... On voit qu'ils sont tous quand même récents là, sur le dessus. Il y a des bons jeux là-dedans. Il y a des très, très bons jeux. Chez Indie Games, ça aurait valu au moins deux jeux neufs. Tu penses que t'es généreux, je pense. C'est les pires crosseurs du monde, Indie Games. Mais bon, donc allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Elle a aussi déchiqueté les couvertures, les papiers qu'il y a dans les boîtes de jeux. Ah tiens, un gars, un peu l'histoire contraire en fait, c'est un gamer qui vend sa collection de jeux vidéo pour l'amour. Oui, c'est Umur Gunulu qui a 550 jeux vidéo et 20 consoles, il vend tout ça. C'est un homme de 27 ans qui s'est marié, donc il va se marier en avril prochain. Il dit que, bon, tu sais, il vieillit un peu, sa famille est rendue plus importante que les jeux vidéo. Sa fiancée trouve sa collection de jeux vidéo très intéressante et ne veut pas qu'il les jette, même c'est pas elle qui l'a forcé à vendre ses jeux vidéo. C'est vraiment pas de sa faute à elle. Donc, Gunulu a une version super rare d'une console de Nintendo qui s'appelle la Nintendo Family Computer. Il y a une Wii, une Xbox, plusieurs PlayStation et un paquet de jeux pour aller avec ça. Il estime que sa collection vaut 6 000 $. Il demande 4 200 $ pour la collection et prévoit utiliser l'argent pour meubler sa nouvelle maison. Donc, si vous êtes en Australie ou proche et que vous voulez bider là-dessus, allez voir l'annonce sur assemblagerequis.com. C'est bien trop de jeux vidéo. T'as jamais joué à tout ça dans ta vie. Ah, c'est impossible. T'as pas assez de temps dans la vie pour ça. Ah, y a toutes les consoles portables, y a des vieux Game Boy. Oh, man. Regarde toutes les cassettes, là. Les vieilles cassettes. Ah, mais s'ils les vendaient... moins cher? Non, je dirais en bundle. Tu sais, à la place de vendre tout l'ensemble pour 4 200, de cibler, tu sais, des jeux de rôle, des jeux de Mario, des consoles Nintendo. Je sais pas, ça fonctionnerait peut-être mieux. Il me semble que j'ai pas envie d'avoir... une Xbox et une PlayStation 3 et une Wii. J'ai jamais été le genre de gamer à vouloir toutes les consoles en même temps. Je suis un gars de Nintendo. Ah. Mais c'est comme ça. Hein? Ensuite, c'est quand même une bonne idée. Est-ce qu'on va pouvoir entendre l'extrait? Parce que je me rappelle que tantôt, ça marchait pas sur mon ordinateur. Donc, avant de vous en parler même, je vais essayer de voir si ça fonctionne. C'est une expérience. Non, ça marche pas. On pourra pas l'écouter, mais je vous en parle quand même, juste parce que j'ai commencé à aborder le sujet. C'est Rutherford Chang, un artiste qui ramasse, qui collectionne des pressings de l'album Wild Album des Beatles depuis plusieurs années. Donc, il a une galerie qui s'appelle We Buy Wild Albums à la Reese's Gallery à New York City. Donc, il montre sa collection là et il crée de l'art à partir de ces albums vinyles là. On peut entendre sur l'extrait audio sur assemblagerequis.com quand il fonctionnera, c'est qu'il a empilé un par-dessus l'autre 100 de ces vinyles-là en version audio. Donc, il a numérisé chacun de ces 100 vinyles-là. Il les a mis ensemble dans un seul MP3 pour qu'on puisse entendre les différences entre les différents pressings. Tu sais, on voit que les enregistrements sont pas nécessairement pareils. Des fois, il va y avoir un petit délai où ils ont peut-être accéléré ou... Je sais pas comment ils font ça, du mastering audio. Mais le vinyle. Le vinyle, exactement. Je connais pas même ça. Mais bref, l'extrait sur assemblagerequis.com. Tu te rappelles peut-être du pire tatou du monde. C'était il y a quelques années, c'était sorti. Le gars qui avait fait tatouer la photo de sa femme qui était décédée, je crois, c'est bien ça. Ça ressemblait aucunement à la femme. Non, mais ça fait même peur. En effet. Les dents, là. A l'air d'avoir des broches sur la photo, ce qui fait pas peur en tant que tel, mais la fille, y a pas de broches dans la vraie vie. Ou les dents, genre d'une fumeuse de 10 paquets par jour. Oui, tellement. Ah, c'était juste vraiment pas réussi. Ça venait du milieu des années 2000. Vous pouvez aller lire l'histoire sur le site. Et bien, bref, quelqu'un a offert de réparer son tatou. Donc, il a retatoué. Il est vraiment comme... Je sais pas comment il a fait, mais je pense qu'il a mis du noir un petit peu par-dessus pour ombrager l'ancien tatou. Et il a retatoué la fille de la photo. Et c'est vraiment très, très beau. C'est bon, c'est le studio Empire Inc. Voilà. Le gars de chez Empire Inc. était tellement touché par son histoire qu'il lui a donné tout ça gratuitement. Et oui, maintenant, il s'est dit ça va être un maudit bon coup de pub. Ben oui, en plus, ça le dit dans l'article Empire Inc. C'était pas l'adresse, mais... Empire Inc., bravo. Il y a un nouveau site, en fait, moi, je le connaissais pas, qui s'appelle isitnormal.com. Si vous demandez si quelque chose est normal dans la vie, par exemple, est-ce que c'est normal de parler à son animal en peluche? Et là, les gens peuvent répondre à ta question par « oui, c'est normal »,« non, c'est pas normal », et choisir une de ces questions-là comme étant une de tes favorites. Tu peux commenter aussi là-dessus. Donc, c'est vraiment un site super attractif, une communauté. Isitnormal.com. Par exemple, est-ce que c'est normal que mon fiancé porte ses cheveux comme dans Dragon Ball Z? Est-ce que c'est normal d'avoir 46 ans et toujours jouer à Pokémon? Est-ce que c'est normal des fois de pas être capable de péter quand t'as envie de péter? Tu sais, des bonnes questions pour la chronique. Arrête avec tes questions, ça aurait bien fité. Oui. On en reparlera peut-être tantôt, mais j'adore ça. C'est isitnormal.com. Antoine, une journaliste. Est-ce que tu connais avant ça? Commençons par les choses qui doivent être demandées avant ça. Est-ce que tu connais Vine? Vine. Non, tu connais pas Vine? Non. Vine, non. Ben, c'est fait par ceux qui font Twitter et c'est une façon de poster des vidéos en ligne de 6 secondes. Tu peux faire un petit montage. Oui, bon, je connais ça. Et ça va louper tout le temps. Donc, l'application sur un téléphone intelligent, tu prends cette vidéo-là et après ça, quand les gens vont aller la voir, ça va louper le 6 secondes en bon. Donc, Dawn Siff, une journaliste en devenir, a envoyé un genre de CV en Vine. T'sais, on va l'écouter, là, évidemment, vu que c'est en loop, ça va commencer en plein milieu de la phrase, mais écoutons quand même. Journalist, strategist, manager, deadline Jedi, idea machine Dawn Siff. Bon, donc, attention. Journaliste, strategiste, manager, Jedi et les deadlines, machine à idée Dawn Siff. Journalist, machine à idée. Manager. Quand même, c'est, l'idée n'est pas mauvaise. L'idée est excellente et Dawn Siff est très convaincante, donc bonne chance et moi je pense qu'elle a des chances de l'avoir là-bas. C'est une très bonne idée. Ensuite de ça, des vinyles rétro, mais avec des chansons et des artistes modernes. Donc, n'importe qui, mettons Lady Gaga, okay, avec sa chanson Poker Face, il y a un gars qui prend une chanson d'un artiste et fait un genre de faux cover de vinyle avec. Tu sais? Hein? Pourquoi pas? Donc, c'est les gens de chez Penny Design qui les ont fabriqués. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Il y a entre autres Tom York... Il y a The Libertines, un paquet de bands récents et donc eux, ils vont faire de fausses couvertures de vinyle comme dans le bon vieux temps. Mais l'effet est quand même assez impressionnant. Hein? Oui. Il y a comme un effet vieillot, on dirait, qui est rajouté. C'est très cool. C'est très bien fait. En première vue, j'étais pas convaincu, puis j'achète. Tu vois, c'est comme Dawn Siff t'a convaincu. T'sais. Ouais, pareil. Lady Gaga, les Beatles, Dawn Siff. Un gars ici qui a trouvé une vieille bouteille de Crystal Pepsi. Tu te rappelles, Pepsi dans le temps avait sorti une version transparente de sa boisson en bouteille, évidemment. Ça ressemblait à du 7-Up, mais c'était du Pepsi. Ça n'a pas fonctionné du tout, c'était un échec total. Eh bien, une bouteille d'il y a 20 ans de Crystal Pepsi, le gars la boit. Le gars est un douchebag total et il porte un chandail swag, swag, swag. Là, c'est un douchebag total. Et si vous avancez jusqu'à 3 minutes 50 de la vidéo, faites pas ça pendant que vous déjeunez parce que je pense qu'une bouteille de liqueur d'il y a 20 ans, ça ne se boit pas dans le présent et ça sort assez rapidement. À combien de temps, tu dis? À 3 minutes 50 du début de la vidéo. Je ne l'ai fait pas jouer en onde, je l'ai écouté ce matin et tu vois, c'est pour ça que je ne déjeune pas. Ouais. Donc, Crystal Pepsi, il y a une date de péremption sur ces bouteilles-là, c'est pas pour rien. Alors, ensuite, une employée de chez PFK qui a commencé quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas dû commencer, elle s'est fait prendre, elle lèche les patates pilées chez PFK. C'est une employée de chez PFK et elle lèche les patates pilées. Et évidemment, elle s'est fait prendre et des photos de cet employé-là ont été postées sur Facebook. En fait, d'une station de nouvelles du Tennessee s'est procuré ces photos-là. PFK n'a pas nommé l'employé, mais ils ont dit à WJHL qu'elle a été virée, elle a été renvoyée. Évidemment, ils disent que la sécurité, la sûreté, l'alimentation est tellement importante. Et bon, bref, blablabla, bla, bla, bla, du jargon de compagnie. Là. Ils l'ont sacré dehors. Mais quand même, la morale, postez pas ça sur Facebook, là. C'est venu chez les patates des gens. Je savais même pas qu'ils faisaient des patates pilées chez PFK. Ouais. En fait, c'est ma prochaine question. Pourquoi? Depuis quand? Depuis quand? Je préfère leurs frites. On y va très très rapidement, il ne reste pas grand chose à dire. On prend des vedettes d'Hollywood, par exemple Kristen Stewart, Cameron Diaz, Sandra Bullock, Angelina Jolie. On fusionne leurs figures ensemble, leurs faciès, leurs faces, et ça donne une vedette qui a l'air, je sais pas de quoi qu'elle a l'air, mais c'est pas quelque chose que je veux regarder trop longtemps. comme un mélange de petit renard puis de loup. À peu près ça. Donc, c'est le top 10 des actrices les mieux payées à Hollywood l'année passée, entre mai 2011 et mai 2012, et on fait une seule personne avec. C'est inspiré, en fait, d'un autre concept où où on a créé l'actrice porno Nikki Lee, 5 pieds 5, 117 livres, blanche, 534B, qui a fait de la porno d'adolescente et qui est connue pour la grosseur de son fessier. Et ça, c'est si on combine tout le monde de la porno ensemble, en tout cas une grosse partie de la porno, ça donnerait 7 vedettes porno là. Uh-huh. Selon ce graphique-là sur le site de johnmillward.com, l'adresse est sur assemblagerequis.com. Donc, John Millward a compilé une étude exhaustive de toutes les vedettes de porno. Et il y a vraiment des graphiques sous-divisés, par exemple, les prénoms et les noms de famille de chaque vedette de porno pour faire un consensus, trouver le nom le plus populaire, les couleurs de cheveux, les fesses contre les seins, leur... Bref, tous les graphiques sont sur assemblagerequis.com. C'est vraiment intéressant. Puis, je pense qu'on va terminer avec un dernier. Ah! Une boîte de gushers. Si tu connais les gushers, c'est les petits jujubes avec du jus dedans. Ouais. Les fruit gushers. Donc, le gars a pris une boîte de gushers, a enveloppé ça dans des fruit roll-ups. Ça, c'est des fruits au long. Ouais. Je pense. Ouais. Et les collations de fruits, là. Collations aux fruits, c'est ça. Et ensuite, a enveloppé ça dans des fruits au long. C'est ça. Je pense qu'il y a comme plusieurs versions, là, plusieurs sortes de bonbons enveloppés ensemble. Mais ça donne le super gusher, qui est une grosse boule. Et si tu meurs dedans, ça va juter de partout. C'est vraiment beau. Allez voir les photos. Ça vaut la peine. Je veux m'en faire. De coûter cher le bonbon, ça. Voilà pour CNX. Tous les liens sur assemblagerequis.com, comme si je l'avais pas assez dit, hein? Voilà. On prend une pause. On revient avec Maxime Bilodeau et ses chroniques d'une foulée à l'autre. Faisons ça. Ouais. Marche. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Bar Mars, Maxime? Oh, pourquoi pas? On déjeune dans la Bar Mars ce matin. Donc, toujours Assemblage requis, il est 7h35, Jean-Philippe Charbonneau est là. Oui, Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Et Maxime Bilodeau, on l'a dit, vient d'arriver. Présent. Bonjour, monsieur. Pour vous lever la main, bonjour. C'est pas si strict que ça. Là, moi, j'ai de l'énergie le matin. Tu sortes mon maître, t'as tapé ça à la main. Je vais pas sortir mon maître dans le parking. C'est comme tu veux. Voici d'une foulée à l'autre. Maxime Bilodeau, t'étais habitué à des blagues du deuxième ou troisième degré, mais là, c'était beaucoup trop évident comme c'était blague. Comme trop premier degré. Ben oui. Mais même que je pense que c'était dans le négatif, c'était comme de l'autre côté du zéro. Moins 5 degrés. Donc, Maxime, ce matin, on parle de santé mentale. Je pense que j'en suis peut-être affecté, étant donné mon sens de l'humour aucunement. On sait pas, peut-être que ton trouble, si c'en est un, bien sûr, et dans le diagnostic dans le livre statistique de maladie mentale, qu'on appelle le DSM, plus couramment. Mais t'es pas médecin, donc tu peux pas me diagnostiquer. Non, mais... effectivement. Quoique, suite à la lecture du fabuleux ouvrage que j'ai lu dans les dernières semaines, je pourrais quasiment. T'as pas lu le DSM-5, là, j'ai pas lu le DSM-5. Ben, probablement, il n'est pas encore sorti. Il sort en mai prochain. Mais j'ai lu, en fait, ce charmant petit livre ici. Ça s'appelle Tous fous, l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la psychiatrie. Écrit par M. Jean-Claude Saint-Onge, paru chez Éco-Société ce mois-ci, février 2013. C'est rare qu'on voit un nom tellement long que le gars est obligé de mettre une abréviation sur sa propre couverture de livre. C'est J-Claude Saint-Onge. Et J-Claude Saint-Onge. Trop long, Jean-Claude Saint-Onge. GC. GC Saint-Onge. En même temps, je le comprends. Tellement. Jean-Philippe. Hein? Jean-Phil. Jean-Phil. Jean.com, c'est comme les Marie.com pour les demoiselles. Oh, ce serait un peu pire nom, ça, Marie.com. Marie.com. Ben pourquoi pas, il y en a qui appellent leur fille Apple. Ou hashtag. Donc, dans le fond, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? En fait, c'est un pamphlet, c'est un brûlot, c'est un réquisitoire contre la maladie mentale. Même si l'auteur ne l'assume pas, ben, c'est une charge à fond de train, vraiment, contre l'industrie de la maladie mentale.

Deuxième heure d'Assemblage Rocky en ce jeudi 28 février 2013, dernier jour du mois. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. L'autre, c'est Mathieu Plante. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire qu'on va revenir là, la fin de semaine puis on va être rendu en mars. Ouais, ça veut dire qu'il faut payer le loyer demain. Bah! Une chance, ça passe tout seul dans le compte. Moi, je m'occupe pas de ça. Ah, c'est bon. Je m'occupe des dettes après. Ouais. Donc, deuxième heure, on va avoir Carina Tardy, finalement, elle va venir, je pense. Ouais, si elle arrive à se dépatouiller de ce qui semblerait être une tempête, nous, on est comme dans un bunker ici, on sait pas ce qui se passe. On sait pas du tout, le rideau est fermé. C'est ça, si elle arrive avant 9h, on va la prendre. Sinon, ben, je sais même pas si elle a bel et les battes aujourd'hui. Tu sais, semaine avant la semaine de relâche, semaine de relâche, semaine après la semaine de relâche, examen. On sait pas qui va être là, qui sera pas là. Nous autres, on est là, en tout cas. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Tiens, tantôt, on parlait de malaise mental avec Maxime Bilodeau. Ça m'a donné envie d'écouter Orange, Orange. Voici, je danse dans ma tête. T'sais. Non, c'est bon, ça. Non, pas pareil. Humains sur terre, mais chacun vit sa vie en solitaire. Chacun dans ses habitudes, chacun avec ses certitudes. Et l'amour est la pire des solitudes. Quand l'univers m'indiffère, quand j'ai plus envie de rien faire, quand la vie m'endort comme un somnifère, j'ai inventé la formule qui vaut mieux que toutes les pilules, même si ça me donne l'air d'une somnambule. Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Que je sois debout dans le métro, que je sois assis à mon bureau, tous les jours les mêmes mots, les mêmes gestes de robot, y'a de quoi devenir fou. Et vous, qu'en pensez-vous? Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête. La parodie humoristique d'Orange Orange d'une chanson que vous connaissez tous et qu'on dirait même pas ce que c'est, vous savez ce que c'est. Ah, c'était Je danse dans ma tête. Pour les paroles, pour l'aspect drôle et pour tout ça, c'est pour ça qu'on l'a joué. On aime ça. Ha ha ha ha ha. Faut en rire, soit on n'en rit pas, on va se dire, coulons, je me rappelais pas qu'il y avait un featuring d'elle dans la chanson. Toujours Assemblage Requis, il est 8h13, tout à l'heure, à la chronique de François Landry, le groupe Cassé 101. Pour l'instant, on doit se nettoyer les oreilles, donc on va se pencher sur le côté et se verser juste un petit peu de Minotaurs avec la pièce Open the Doors pour vraiment se faire un ménage de la cire qu'on vient d'entendre. Minotaurs de l'Assemblage Requis, au 89 FM. C'est Open the Doors à Assemblage Requis. C'est un extrait du palmarès anglophone. Je crois que c'est la première fois qu'on l'écoute à Assemblage Requis. C'est vraiment bon. Mm-hmm. C'est très, très bon. Pour ceux qui s'attendaient à une chronique de la GQTR cette semaine, ben, il n'y en a pas. Oh. La semaine prochaine non plus, puis c'est l'avant non plus, puis c'est la semaine prochaine non plus. Un jour. On va avoir une... un jour. Elle va revenir. Jasmine. Raymond Rébé. On l'aime. J'ai essayé de faire un petit son de petit pit-pit, mais je sais pas. De pit-pit avec ta langue, hein? Ouais, je sais. C'est un peu louche. Ça sonne pas comme j'espérais. Pas sûr d'aimer ça. Non, moi non plus. À la place, ce qu'on va faire, c'est répondre aux grandes questions de la vie. Oui. Voici Arrête avec tes questions. Il y en a des questions dans la vie. Hein. La la la. La la la. Mais on peut pas tout savoir non plus. Hein, non. Comme on dit. Par contre, on peut essayer d'en savoir un petit peu plus dans la vie. C'est pour ça qu'on va se poser des questions. Et voilà. Une question qu'on se demande souvent dans la vie, c'est pourquoi est-ce que les gens veulent dire hashtag en français en disant mot dièse? Pourquoi est-ce qu'on s'entête à utiliser le mot dièse? Ben, je vais répondre à votre question et je vais vous dire pourquoi c'est incorrect comme mot à utiliser. C'est un article qui provient du site nouvelobs.com, pardon. C'est donc le site du Nouvel Observateur. Et l'article est de Francis Métivier. Ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Vous qui utilisez Twitter êtes habitué aux hashtags, ces mots-clés qu'on précède d'un croisillon, destiné en principe à faciliter le travail de veille. Par exemple, on veille sur un sujet en particulier. Seulement, hashtag, ça ne sonne pas très français. Donc, à partir de récemment, le journal officiel recommande même qu'on emploie le mot « mot dièse » à la place. Eh bien, ça n'a aucun sens, tout ça. Déjà, le langage courant avait malmené le bémol en qualifiant par ce terme d'essence musicale un écart, une nuance déstabilisante, une restriction, une objection. « Cher monsieur, je mettrai un bémol à cette idée. » C'est ce qu'on disait. Manière polie de dire non. Donc, quand on entend « Cher monsieur, je mettrai un bémol à vos propos », on a envie de dire c'est mal écrit son texte. Hein? Parlons de musique. Le dièse et le bémol désignent en musique des altérations, un demi-ton, respectivement au-dessous et en dessous de certaines notes de notre gamme chromatique, do, ré, mi, etc. Donc, il y a quelques années, voyant apparaître le dièse sur les claviers téléphoniques, on avait crié au sacrilège, utiliser un signe de notre noble solfège pour un vulgaire bouton, un signe en vue d'une basse manipulation technique et qui en plus fait un bip disgracieux, dit-il. Depuis longtemps, le langage musical est détourné, alors vous pensez, la recommandation du journal officiel demandait de dire mot dièse à la place de hashtag. Le correcteur du traitement de texte reconnaît pas le mot hashtag non plus, il faut le remplacer. Hein, c'est bien, bien dramatique là, que Word ne voit pas le mot hashtag. Moi, ça me dérange pas tant le surligne en rouge. Donc, il y a bien longtemps que les faux inventeurs de mots faisant évoluer la langue par réaction contre l'anglais notamment ne font plus attention aux chants auxquels ils empruntent leur vocabulaire, comme le dièse à la musique, et donc le font par ignorance. Ce qui engendre des monstres lexicaux comme ce mot dièse, quelle horreur esthétique. En fait, c'est qu'on parle du sens du symbole. Sur un téléphone, ce serait pas un dièse non plus, ce serait donc un croisillon, qu'il faudrait dire. Un croisillon, c'est le mot. J'ai pas envie de taper dessus. Ah! Le carré. C'est ça le pire. C'est quand on dit Faites le carré. On l'avait dit l'autre fois à l'émission, je ne me rappelle plus qui avait dit ça. Je crois que c'était justement Jasmine Raymond-Rinvet. Elle avait dit de faire... Non, je pense que c'était peut-être Stéphanie Paradis, mais c'est pas grave. Elle avait dit qu'à la place de faire l'étoile, on devrait faire le petit flocon. Oui, le petit flocon. C'est cute. Ouais, le petit flocon. Ça, en tout cas, c'est approprié en maudit pour aujourd'hui. Eh oui, et voilà. Donc voilà, bref, si les mots sont fixés arbitrairement aux choses, laissons le dièse aux musiciens et inventons pour désigner le petit hashtag là, devant blabla avec un nouveau terme. Ou sinon, arrêtons de tweeter, dit cet article du Nouvel Observateur. Voilà. On pourrait l'appeler le T-Carry. Le Shredder. Comment? Le T-Carry? Ouais, ben c'est comme... Le T-Carry. Non, mais le T-Carry. Carré. Comme le carré de Twitter. Le carré de Twitter. Le carré de Twitter. Carré de Twitter. J'aime ça, c'est bien. Une autre question que je me pose souvent, c'est est-ce que nourriture en particulier est encore bonne dans le réfrigérateur? Par exemple, des petits cornichons tu sais, à la nette ou quelque chose comme ça, et tu te demandes est-ce que c'est encore bon? J'ai trouvé le site stilltasty.com. Your Ultimate Shelf Life Guide, le guide ultime des affaires qui sont sur la tablette du frigidaire. Je suis sûr que c'est pas tout le monde qui veut regarder ça. Non, vraiment. Parce que je me souviens d'être déjà allé, puis il y a bien des affaires que tu fais comme... Ah! Ben, par exemple, on se demandait pour des patates congelées qu'on avait dans le réfrigérateur. J'ai tapé Frozen Potatoes, j'ai fait recherche, et là, tu as par exemple des hash browns, c'était ce qu'on cherchait, des patates à déjeuner, et ça dit qu'on peut le garder au congélateur jusqu'à 10 à 12 mois. Donc, c'est rassurant de savoir que c'est encore bon. T'sais? Donc, stilltasty.com, c'est là que je réponds aux questions, à mes questions. Et d'ailleurs, il y a une section, par exemple, qui pose où les gens peuvent poser des questions. Par exemple, est-ce que les épices peuvent devenir plus bonnes? T'sais? Est-ce qu'à un moment donné, une épice, ça passe date? Parce qu'il y en a que... C'est long, hein? Il y a des 2015, 2016, je sais pas trop quoi. Non. Règle générale, les épices vont rester fraîches jusqu'à environ 3-4 ans. Certaines sortes, comme des herbes, vont durer 1 à 3 ans. Donc, du côté de la sécurité alimentaire, on dit que ça devrait bien aller. Mais ça se pourrait que ce soit pas aussi bon pour mettre de la saveur sur vos aliments. Ça se pourrait que la saveur change un petit peu. T'sais. Ce ne soit pas la saveur à laquelle tu es habitué. Donc, bref, stilltasty.com, c'est le site web que je vous conseille. Ensuite, une autre question, c'est comment est-ce que les gens s'essuyaient aux toilettes avant d'avoir du papier de toilette? Hein? Ah oui. En Grèce antique, on utilisait des pierres ou de l'argile pour l'hygiène personnelle. Évidemment, maintenant, on prend notre papier toilette pour acquis. Hein? C'est vrai, ça? Mais soyons plus spécifiques. Donc, en Rome antique, on était un petit peu plus sophistiqués que les Grecs pour se nettoyer. On utilisait une éponge au bout d'un long bâton qui était partagé par tout le monde dans la communauté. Oh! Hey, tu me passerais du tout au bâton pour aller aux toilettes? S'il te plaît, hashtag, il y a besoin de papier de toilette. Il y a besoin de bâton. Donc, lorsqu'on l'utilisait pas, le bâton restait dans un seau d'eau très, très, très salée dans une toilette publique. Et les toilettes publiques étaient équipées avec un long banc de marbre avec un trou en dessous. Donc, le trou, on sait à quoi il servait. Il servait à insérer son bâton avec une éponge au bout. Super, hein? Et il n'y avait pas de mur non plus pour diviser les sections. Donc, tu t'assoyais directement à côté de ton pire ennemi ou ton meilleur ami. Et puis, tu te passais ça dans le trou. Oui, oui, oui, oui. Dans un trou, à travers le trou, dans ton trou. C'est un carouage de foufoune. En 1391, un empereur chinois a décrété que de grandes feuilles de papier de 2 pieds par 3 pieds devaient être fabriquées pour sa propre toilette. Jusqu'à ce moment-là, en Chine, on utilisait différents produits de papeterie là, pour s'essuyer. En Amérique, est-ce qu'on dit colonial? Je crois qu'on dit colonial. Les choses n'étaient pas tellement plus avancées. Donc, les rebelles avaient quitté la Grande-Bretagne. Moi, l'histoire, là, c'est deux, c'est même trois. Là. Mais bref, tout ce qu'ils utilisaient, tout ce qu'ils trouvaient pour s'essuyer, c'était du maïs. Bref. Plus tard, du maïs, des corn cobs. Ouais, ce que j'ai aimé, c'est surtout ton image. Des burps. Ça devait être j'ai tendance à mimer un peu. Mais ça devait être les feuilles de maïs. Oui, c'est ça. Pas le corn. Non, ok, moi. Bon, bref. La gestuelle n'y était pas. La gestuelle n'était pas parfaite ici. D'accord. Et ma compréhension non plus, apparemment. Bref, ensuite, ils ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser le vieux journaux et le vieux catalogue. Et en fait, anecdote intéressante du site mentalfloss.com où je pense cette réponse-là, c'est que l'almanach du peuple, ce qui s'appelle le Old Farmer's Almanac, à l'époque, avait un trou dans le coin de cet almanach-là. Comme l'almanach du peuple, mais maintenant, il n'y a plus de trou. Hein? Mais il y avait un trou pour que tu puisses l'attacher à côté de ta bécosse extérieure. Oh. Le tout était fait spécifiquement pour ça. Un anneau. C'est joli, hein? Ensuite, le Godson. Godson, c'est genre le petit-fils, ou en tout cas, bref, de la reine Élisabeth Ire, a inventé une des premières toilettes à flush en 1596. Le premier papier de toilette commercialement produit n'a pas commencé à circuler avant 1857. Quilted Northern, précédemment, il s'appelait Northern Tissue, ont fait des publicités en 1935 disant que leur papier de toilette était sans écharde. Sans écharde. Maintenant, évidemment, ils ne précisent plus. Mais ce serait fun s'ils précisaient encore sans écharde sur le Charmin. Les Américains utilisent en ce moment plus de 7 milliards de rouleaux de papier de toilette par année. Et une culture qui n'a pas encore de papier de toilette et en fait qui ne veut rien savoir du papier de toilette, c'est en Inde. Dans plusieurs parties de l'Inde, on utilise encore la méthode de la main gauche et d'un seau d'eau. En fait, ils disent là-bas que c'est beaucoup plus propre que d'utiliser du papier de toilette. Et ils disent que d'utiliser d'autres choses que de l'eau, c'est sale. Voilà donc pour la réponse à notre question. Qu'est-ce que les gens utilisaient avant le papier de toilette? Quand tu rencontres quelqu'un, c'est la droite, absolument. Ben, c'est ça. Peu importe ce qui arrive. Mais les gauchers, ça vient du diable! Voilà, c'est à cause de ça. Et voilà. Merveilleux. Donc, j'ai l'impression de m'être plus éduqué. Mais est-ce que je réponds à une dernière question? On se dépêche. Hein? Parce que si, je me dis que si je réponds pas tout de suite, ça va être un petit peu tard. Les Oscars avaient lieu dimanche passé. Et on se demande pourquoi ça s'appelle les Oscars. La cérémonie des Academy Awards, qu'on appelait dans le temps les Academy Awards, c'est la 85e édition cette année. Ils ont changé de nom. Ils ont fait un rebranding. Maintenant, ça s'appelle vraiment littéralement les Oscars à la télé. La campagne publicitaire, c'est les Oscars. C'est plus les 85th Annual Academy Awards ou l'édition 85 annuelle des Academy Awards. Bref. Pourquoi Oscar? On dit que ça a eu son surnom, que le surnom du Academy Award of Merit, qui est son nom complet, ça a été déterminé par la bibliothécaire des Academy Awards. On dit la librarian et la future directrice de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Margaret Herrick. L'histoire dit que lorsqu'elle a vu la statue pour la première fois en 1931, elle disait qu'elle ressemblait à son oncle Oscar. Et selon Emmanuel Levy, l'auteur du livre All About Oscar, The History and Politics of the Academy Awards, bref, ça commence à être un long nom ici. Il dit que les employés ont commencé à l'appeler avec affection Oscar. Et c'est pour ça que ça finit par coller Oscar. Si simple. Un petit nom cute pour les Academy Awards. Bon, là, j'ai vraiment fini ma chronique. Voilà. Super. Au retour de la pause, la chronique politique Logocratie 101 avec François Landry. Et encore une fois, tir groupé contre Trudeau. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est comme lancer une pierre sur un... Un lac. Un lac ou un trou d'eau. Hey, toi, t'en fais des ricochets. Oh! Hey! Tu m'as battu. Tu m'as eu. Bravo. Ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. lundi à Assemblage requis. On se rend donc pendant toute la semaine de relâche, alors ne manquez pas les segments de nos plus fidèles collaborateurs et le reste du temps, on fera quelques-unes de nos chroniques maison préférées. Ça va être toi et moi, Jean-Philippe. On pourrait se faire une petite fondue. Eh hey, oui, avec nos barmans. Oui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. 8h31 minutes, toujours Assemblage requis, Jean-Philippe Charbonneau. Moi, tu es planté aussi. Fidèle. On dirait une affaire de dictateur. Là. On est arrivé en même temps, en plus, ce matin, presque. Ah oui, c'est vrai. Je suis arrivé en retard. C'est rare. Oui. François Landry aurait pu arriver en retard, mais est tellement brave. Tellement. Je me suis tellement levé plus tôt pour vous autres, messieurs. T'es fin. C'est comme Braveheart. Sauf sans la face bleue. J'ai les bouts des doigts bleus, mais pas la face bleue. T'as chemise bleue. Ah oui, c'est vrai. Voici le Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. La pompe royale. Bon, donc c'est François Landry et c'est Logocratie 101. Et tir groupé contre Trudeau, ça nous fait poser des questions pas mal depuis le début, là. Ben, monsieur, vous savez qu'il y a une course au leadership au Parti libéral du Canada, quand même. C'est vrai. Vous savez que c'est le 14 avril prochain, donc dans un mois et demi, jour pour jour, on aura un nouveau chef du Parti libéral. Levez-vous, non? Ah, excuse-moi, OK. C'est pas toi, là. Non, je suis pas dans la liste, mais on va faire un petit jeu tantôt, OK? On va tenter de deviner qui est candidat et un autre petit jeu plus pour les geeks. Donc, je pense à toi. Toi et moi. Ouais, toi et moi. Ça va bien passant, bonjour, ça va bien. Oui, ça va. On va pas demander si ça allait bien. Non, ça va très bien. Hey! Toi, Mathieu? Ben oui. Oui, good, Jean-Philippe. Je vais m'aborder du sujet. En forme. En forme, good. Les pieds mouillés. Ouf, ça, t'es normal, c'est-à-dire. Ouais. Donc, ils ne seront plus que 8 candidats à briguer la direction du Parti libéral du Canada. Le candidat Georges Takache a annoncé lundi qu'il quittait, qu'il jetait l'éponge et qu'il se le ralliait à Justin Trudeau. Parce que oui, le titre de la chronique s'est groupé contre Justin. On parle évidemment de Justin Trudeau et non pas de Justin Bieber. Hein? On s'entend là-dessus. Et puis, Justin, selon Georges Takache, Justin a ce qu'il faut pour devenir un grand premier ministre. Il a amené une énergie et une orientation à la scène politique et a démontré qu'il est un chef éloquent tourné vers l'avenir. Ben oui, on il boxe. Oui. Et son candidat adversaire, le sénateur Brazeau, est au carreau présentement. Mm-hmm. Ça va pas bien pour lui. Donc, Georges Takache a quitté la course. Pouvez-vous me nommer les 8 autres? Justin Trudeau. Oui. Et d'un, hey. Bravo. Je sais pas du tout. Hein? Quête pas, moi non plus, je les savais pas tous. J'en connaissais 3. Donc, Justin Trudeau, oui. Marc Garneau, qui est le plus farouche opposant. Marc Garneau, le premier astronaute canadien. Ouais. Qui, c'est comme Marcel Garneau, mais sans le sel puis le gars. Puis le la. Sans le la. Le la. Oui, oui. Ouais. C'est le sel-là. Ouais. Il y a Martha Anne Finlay, qui, elle, est une pas une nobody, mais une outsider. Et pas dans le domaine politique libéral. La dernière course contre Michael Ignatieff, elle s'est présentée là, elle venait de nulle part, puis c'était pas une candidate, une députée connue, c'était une membre, tout simplement. Okay. Puis elle a fait tellement un bon score qu'elle s'est dit, je reviens. Genre de nouvelle recul. Capable. Ouais. Exactement, oui. Et puis elle serait troisième dans les sondages. Donc, quand même. Puisqu'elle a un franc parler, puis tantôt, j'en ai glissé quelques mots d'elle, puis vous allez voir qu'elle n'a pas la langue de bois. Elle est bien fine. Il y a Joyce Murray, Deborah Cohn, on se souvient de Deborah Cohn, qui est la petite fille de la nièce du garagiste de la sœur du père Elliot Trudeau, Pierre-Elliot Trudeau. Là. OK, ça n'a pas rapport avec le film Coneheads. Non, Cohn dans le sens de C-O-Y. Ah. Mais, il y a 4-5 semaines, je vous avais dit qu'elle était de la même lignée, donc du même sang que Justin Trudeau. Donc, ça pourrait être sa belle-sœur contre qui... Incestueux, ouais. Oui, c'est l'aristocratie canadienne. Ensuite, il y a Martin Cochon. Martin Cochon, un Québécois que tout le monde pressentait comme étant la relève naturelle du Parti libéral. Mais il tire de la patte, pour petit Martin. Parle pas ces jeux de mots de cochon. C'est de la pâte, franchement. T'es placé. Une chance que tu dis que je voulais pas la faire, je me suis dit, je vais essayer d'en faire une via toi. Non, mais t'as très bien fait ça. Oui, voilà. Il y a David Birch-Chee et puis Karen McGrimmon. Bon, On s'entend que à part Marc Garneau, Justin Trudeau, puis Martin Cochon qui sont faits à la tournée, les autres, c'est... qui c'est ça? Donc, Marc Garneau, l'éthique groupée contre Trudeau. Marc Garneau, qui, je disais, est le second dans les intentions de vote, continue de ne voir en son rival Justin Trudeau qu'un générateur de généralité sans vision pour le pays. Il le met donc au défi de participer à un débat à deux pour confronter ses idées aux siennes. Et je cite ici, « Justin Trudeau se contente de vagues généralités, ce qui sape sa propre crédibilité et, encore plus important, celle du Parti libéral du Canada. » au cours d'une conférence de presse qui est ça, donc il a vraiment attaqué. C'était soft. Jusqu'à maintenant, là, c'était assez doux comme, comme rivalité. Puis là, à un mois et demi des élections, de la nomination, les crocs ressortent pour ces chers loups affamés. Un débat mano à mano. Selon toujours Marc Garneau, le poste de chef du PLC est trop important pour être confié à un candidat qui n'a pas fait ses preuves et qui se cache derrière une campagne de relations publiques soigneusement orchestrée. De son côté, Justin Trudeau a décliné l'invitation, évidemment, parce que se battre mano à mano, il l'a déjà fait contre quelqu'un. Ça a passé pour une fois, mais tu sais, jamais 203. Tente pas ta chance. Ouais. Ça, exactement. Considéré comme le meneur de cette course, M. Trudeau a affirmé sur son compte Twitter qu'il aura l'occasion de croiser le fer avec Marc Garneau à Halifax, donc samedi qui s'en vient, au cours d'un quatrième débat. Et là, c'est là la petite chronique gig dans la politique. Okay. Compte Twitter. Combien, si on peut mesurer la crédibilité ou la popularité d'un politicien à son nombre d'abonnés Twitter, oui, oui. Qui mènerait la course? Parmi ceux que j'ai nommés tantôt, là. Moi, je dirais Trudeau, rien que parce que les gens le suivent, même s'ils l'aiment pas. Voilà. OK. Moi, juste pour faire un indice de référence, j'ai 400 suiveurs. Un petit peu plus de 400 suiveurs. Bravo, c'est bien. Je suis quand même content. Oh, oui. Je suis quand même dans les trois chiffres. C'est beaucoup de poissons sur ton Twitter. Oui. Donc, Justin Trudeau, oui, t'as entièrement raison. Il est le meneur incontestable. Et au Canada, il serait, après Justin Bieber, un des plus grands suivis. Donc, il a 187 665 suiveurs sur Twitter. Donc, un clic, il rejoint près de 200 000 personnes. Marc Garneau, qui le talonne de très, très près, en a 11 556. Oui, exactement. Ensuite, Martin Finlay, qui tombe à 7 400. Et Martin Cochon, qu'on disait être la relève du parti, en a que 1437. Bon. Mais Karen McGriman est plus wise. Elle a dit... Plutôt qu'avec un compte à rejoindre 4000 personnes, je vais en créer deux comptes. Quoi? Elle a deux comptes deux Twitter. Ouais. Il y en a un qui est suivi par 250 personnes. Okay. On s'entend, ça doit être sa famille. Ouais. Un compte personnel, si on veut. Oui. Sûrement, c'est un compte personnel et l'autre compte plus député ou candidate. 712 personnes. Donc, elle a moins de 1000 personnes à avec deux. Ses deux comptes. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Oui, Marc Garneau qui veut vraiment l'affronter. Il dit c'est pas sur Twitter, ça doit se faire. Et Justin Trudeau qui lui réplique sur Twitter. Donc, il y a deux types de relations publiques. Mais est-ce que, tu me confirmeras ça, Mathieu, est-ce que Twitter est signe de popularité pour un politicien, signe d'autorité ou de crédibilité pour un individu? Je pense pas. Non. Il me semble que non. T'sais, les vedettes d'Hollywood ont des millions de. Puis ça les rend plus crédibles, je suis pas sûr. Voilà. Juste, c'est un intérêt. Puis ça veut pas dire que tu l'aimes, vraiment. T'sais, non, exactement. Faut te suivre pour avoir ses updates. Fait que tu l'aimes ou que tu le détestes. Puis ça dépend ce qu'il tweet aussi. Ce qu'il tweet. Oui. T'sais, il dit ah ouais, hier j'ai écouté La Voix puis j'ai vraiment aimé ça. T'sais, c'est pas vraiment pertinent. Ça, je donne une chance. Après ça, c'est je le flush. Puis ça, je suis assez sélectif sur Twitter là-dessus. Quand on me dit il neige d'or. OK, oui, je sais. Mais si le deuxième Twitter, c'est il y a beaucoup de neige d'or. OK, flush. Là, tu n'as rien pas à lui. Exactement. Ouais. Donc, pas lui les os de Twitter. Ouais. J'essaye vraiment de l'insérer le plus de fois possible pour que ça devienne à la mode. Ouais. Mais à date, lâche pas. Non, mais je suis persévérant. Oui, ah, ça, je sais. Martin Cochon, maintenant, qui est un autre qui s'en prend verbalement à Justin Trudeau, s'est joint aux efforts concertés visant à nuire au meneur présumé de la course, Justin Trudeau. L'ancien ministre fédéral demande à son adversaire de rembourser les organismes sans but lucratif qui l'ont payé pour prononcer des discours. Parce que Justin Trudeau, en tant que beau bonhomme, qui est très éloquent, parcourt le pays pour faire des conférences. En principe, c'est pas une règle, mais en principe, un député élu qui va à quelque part faire une conférence n'est pas payé, n'est pas rémunéré. Quand on invite ici à la chasse-galerie un politicien, il vient gratuitement. On le paye pas. Pro bono. Voilà. Cet homme-là de cette ancienne, on dirait pro bono. Quand un politicien va au talk show Patrice Lecuyer, ouais. Hey, c'est vieux, ça, là. Ben ouais. Talk show de Patrice Écuit. Existe encore? Des années 90. Ah, oh boy, OK. Pourquoi je me mets à jour? Mettons un petit peu ça avec Sylvie. Mettons, il va voir Sylvie. L'Union des artistes paie ses artistes pour y aller. Donc, ils reçoivent un cachet de 350 $. Quand un artiste va, c'est beaucoup, un talk show, c'est 350 $ pour une simple apparition de 8 minutes pour faire le cap. Un politicien, c'est gratuit parce que ça fait partie de son service à la communauté. Donc, un député ne doit pas recevoir d'argent. Mais Justin Trudeau, lui, il demande des chèques. Ah ouais. Il a réussi à accumuler une quelques centaines de milliers de dollars là-dessus. Ça, il me semble que c'est pas correct. Mais est-ce que tu as des lois comme aux États-Unis? Aux États-Unis, si un politicien participe à une émission, l'émission doit inviter s'il le demande les autres candidats? Il n'y a pas de loi. Pas okay. C'est par tradition qu'ils le font. Okay. Et c'est un consortium. Quand c'est en campagne électorale, c'est un consortium des médias. Donc, c'est au-delà des stations de télé et de radio. Ah. Donc, c'est les grands chefs se rencontrent, les grands chefs de télévision se rencontrent pour dire on invite telle personne. Donc, tu fais comme forcer à recevoir quelqu'un sur ton émission? À la plupart du temps, oui. Eh bien. Et on te le fait imposer. Donc, Martin Cochon s'exprimer devant un tel groupe devrait faire partie des activités régulières. Le député, il impute cette erreur à M. Trudeau à un manque d'expérience. Donc, les couteaux commencent à dire « Hey, le genou, les couteaux volent pas, le genou, calme-toi un peu. C'est pas de même, ça marche en vraie vie. » Justin Trudeau a révélé avoir accumulé 277 000 $ en honoraires de discours en public depuis qu'il est devenu député en 2008. C'est j'aimerais ça moi aussi faire des discours. Mais finalement, il a mis ça sur des bourses. Il dit que c'est des bourses. Il a-tu dit ça sur Twitter, là? Ouais. Finalement, Martha Ann Findlay, donc la outsider de tantôt, s'est attaquée aussi au présumé favori au cours d'un débat des candidats en lui demandant s'il avait une réelle compréhension des problèmes auxquels sont confrontés les Canadiens de la classe moyenne. Donc, Martha Ann Findlay a été huée par quelques spectateurs durant le débat et a fortement été critiquée sur les réseaux sociaux. Donc, la campagne, c'est vraiment une campagne 2.0 aussi. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste des suivis de Justin Trudeau, il doit avoir beaucoup de spin doctors derrière des faiseurs d'images qui ont 3-4 comptes Twitter. C'est facile de créer un compte. Elle a indiqué qu'elle tentait de savoir en quoi le passé de M. Trudeau le qualifiait pour occuper le poste de chef adjoint. Donc pour résumer, Pierre-Yves Trudeau, c'était un grand homme politique canadien, riche. Justin Trudeau, qui lui est le fils de papa, aurait eu une éducation facile, une vie facile, donc il aurait hérité de l'argent et du nom de son père. Donc Martha Hall a dit, as-tu d'autres qualités que d'être le fils de ton père? Justin Trudeau n'a pas du tout apprécié et elle a dû s'excuser publiquement pour dire « Ma pensée n'a pas dépensé mes paroles, mais c'était maladroit de ma part. » Et Justin Trudeau a été obligé de publier dans les journaux son compte de banque. Oui, parce que ça, c'est pas une loi, je crois, c'est une règle. Dès que, pour la transparence, on veut savoir quels sont tes revenus, quelles sont tes dépenses, pour voir si t'es pas corruptible ou corrompu. Et donc, Barack Obama est obligé de le faire chaque année. Les chefs d'État, oui. Au Canada, Justin Trudeau le fait. Et puis, il avait 1,2 million de dollars en banque. Pour un policier, pour il est capable de payer son loyer. Dans son compte opération, là. Compte épargne. Compte conjoint là-dedans. Oh, c'est bon. Et là, elle a question à savoir, avec toute cette course-là, est-ce que Stephen Harper, qui est du Parti conservateur et premier ministre du Canada, craint l'élection de Justin Trudeau? Mm-hmm. Avec toutes les critiques qu'on a eues, il craint énormément Justin Trudeau. Non pas en tant qu'adversaire potentiel en chambre, parce qu'il voulait en faire qu'une bouchée. T'sais, Stephen Harper est Stephen gagnerait facilement contre Justin Trudeau. Haut la main. Parce que Stephen Harper, quoi qu'on en dise, est un être très intelligent. Il connaît ses dossiers et surtout, il ne s'emporte pas. Il est glacial. Ouais. Il est vraiment un poker face, mais en permanence. Mm. Tandis que Justin Trudeau, lui, dès qu'il va pouvoir, il va s'exclamer, déchirer ses culottes en public, puis déchirer sa chemise en public plutôt. ses culottes, garde-les. Justin Trudeau. Ah, là, je vais changer le nom de l'émission. Je voulais l'appeler Les Poissons sur ton Twitter. C'est bon. Donc, Stephen Harper qui a dit, à mot à peine couvert, qu'il croit que Trudeau consoliderait l'avance du NPD. Donc, Trudeau, de par sa bêtise humaine, de par sa non-intelligence, contribuerait à augmenter le nombre de votes au NPD et à diminuer le Parti libéral. Donc, il faut savoir qu'en Chambre, présentement, 165 députés sont conservateurs, 101 sont démocrates, néo-démocrates. Donc, on s'entend que 64 de différence, ce qui est facilement renversible, parce que dans plusieurs circonscriptions où le NPD n'a pas gagné, c'est parce que le Parti libéral a été très fort. Donc, si le nombre de votes libéraux tombe, le NPD va monter, ce qui battrait facilement le Parti conservateur aux prochaines élections, qui sont dans 2 ans, donc 2015. Mm-hmm. Donc, on s'entend que Harper veut n'importe qui sauf Trudeau. Pas parce qu'il a peur de lui, c'est parce qu'il a peur du parti néo-démocrate. Donc, c'est une course à surveiller. Le 14 avril, c'est le 14 avril prochain, oui, à Ottawa, que nous devrions savoir si Justin Trudeau. C'est pas si bon que ça, finalement. Non, mais je l'aime l'image. Il devient vert pour. Il choque, puis il devient vert, il se fâche tout. Le 14 avril prochain, à Ottawa, qu'on va savoir qui dirigera les règnes pour un temps ou pour beaucoup d'années, le Parti libéral, parce qu'ils sont rendus habitués à changer de chef comme ils changent de culotte. De culotte. Ils sont dans le thème. Hein? Ou de chemise déchirée. Voilà, okay. Voilà. Donc, 14 avril, à surveiller. Noté, on va suivre ça avec toi, évidemment. Ben ouais, c'est clair, Mathieu. François Landry. C'est sûr. Comment? Je vais aller sur Twitter pour dire Truiteur. Truiteur. qu'on va le suivre. Ouais. Comment? Tu suis un peu Truiteur. OK, je te suis. Tu me suis pas, déjà? Oui, au lieu d'un hashtag, ça va être un arrêt. Un arrêt. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup ça. Voilà, merci François Landry. La semaine prochaine, dans deux semaines. Un petit congé la semaine prochaine. Exact. J'appréhende une tempête de neige. Ça pourrait arriver. Oui, tout est possible ici. Donc, c'est les jeudis à 8h30. On va écouter du Pierre Lapointe. Je sais que tu es curieux. Oui, parce que juste son nom, je le prononcerais punk, mais c'est pas punk, c'est punt. Punked. Non, c'est punt. Punked. Punt. Punt. On prononce pas le K. Ben voyons là. Non, c'est un mot allemand qui veut dire point d'exclamation. Oh! C'est fancy quand même. Hein? On écoute le nouvel extrait du palmarès francophone. Ça fait son entrée aujourd'hui, donc vous allez l'entendre tout à l'heure au palmarès C'est fou. C'est la sexualité. Sexy. C'est l'assemblage requis jusqu'à 9h. Je dis à ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui, le jour, la nuit, sans cesse et sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. De faire l'amour à trois, mais je préfère de loin le faire à deux avec toi. Te faire crier comme les stars du X au cinéma. Recommencer une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois. La vie est morte, la vie est sale. Qu'on joue les méduses glaciales. Quand on est deux yeux dans les yeux, allécher des jours malheureux. Des soirs de pluie. Matin grimin, sous le soleil de midi, jamais les bombes, les grenades, ni la suie me feront sortir du lit. What do I say, what do I do? I got the fire, so I make my jeans come true. Nude, I'm just a powerless fool. Better like you open so I can see the view. Cool, how do they live, how do they breathe? The gift of penetrating means nothing but a plan of seed in need. Just feels good in your body too. What if a quest walking out, I'd like to be talked to. I said, look into you. Laughs and screams and whispers just wander. Sway onto me. À ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesser, sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Mais Mathieu, quel est cet artiste? Mais c'est Pierre Lapointe, voyons! Oh, c'est Pierre Lapointe! Ouais. Avec un featuring de Random Recipe sur l'album Punt. Punt, faut pas prononcer le cas, on l'a appris avec François Landry tantôt. Mm-hmm. C'est la pièce La Sexualité, c'est dans le genre, c'est du Pierre Lapointe, c'est bon? Ouais, c'est bien. On aime ça? Ouais, ouais. Toujours Assemblage Rocky avec Jean-Philippe Charbonneau. Et yes. Moi, là. Mathieu Plante. Karina Tardy est avec nous. Bon matin. Bon matin. On a failli pas l'avoir aujourd'hui. Hey. T'as réussi. Ouf, finalement. Difficile, difficile. Ouais. Mais je pense que c'est important qu'on parle pour une dernière fois d'écouter un spectacle. On en parle depuis 3 semaines. Puis là, aujourd'hui, on n'aurait pas parlé. C'est quoi l'affaire? Ça marche pas de même. Ouais, t'as bien raison. C'est ce soir, l'événement, ça a ben, lieu. Ben oui, c'est ce soir, à 19h au Théâtre du Célèbre de Trois-Rivières. Mm-hmm. Puis cet après-midi, à l'émission Les Palmarès. Yeah. Vincent C, le porte-parole, va être là, donc entre 4h30 et 5h à peu près. Là. En personne ou? En personne. Cool. Ouais, ouais, t'es-tu stressé? Ben, moyennement, toi. J'ai peur qu'il me fasse disparaître, même si je suis pas dans l'émission. Hey, il va tuer un poisson, je suis sûr. Faites tant ça. Ben oui, c'est ça, il va être là cet après-midi, donc à écouter. Puis sinon, ben, on vous attend là, ce soir à 19h. Les billets sont toujours en pré-vente, mais malheureusement, on est comme à la salle toute la journée. Fait ouais. Que vous pouvez. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, on peut essayer de s'arranger, mais sinon, c'est 10$ à la porte. Parfait. Il y a les participants aussi qui ont des billets. Oui, eux, ils en ont, les participants. Il y en a la coop aussi, en fait, là, des billets, c'est vrai. Est-ce qu'on en parle un peu des styles de numéros qu'on va voir ce soir à 8h en spectacle? Mettons, en général. Oui, mais dans le fond, comme tout ce que vous avez vu les dernières semaines, là, il va y avoir bon, pas mal de chants, des beaux duos. Un numéro de danse, un numéro d'humour, puis un numéro instrumental là, de violon et de percussion. Donc, mm-hmm. c'est assez diversifié. Là. Ça va être vraiment... ils ont hâte, ils sont bien excités, nos participants. Tout le monde est bien excité. Ouais. Les animateurs aussi, j'imagine. Ah, oui. On leur parlait hier. Trois animateurs vont s'occuper de cette soirée-là, vont faire des petits sketchs entre les numéros des participants. Oui, ça va être bien drôle. C'est la dernière répétition hier soir, là, puis c'est bien, bien drôle. Moi, j'étais crampée tout le long. Super. Donc, c'est encore une fois ce soir à 19h. Oui, au Célèbre de Trois-Rivières. Parfait. Et sur Facebook, facebook.com/UQTR en spectacle, 9 éditions. Ouais. Sans accès. Voilà. Absolument. C'est tout. Oui. D'autres choses à dire sur Écuteur en spectacle 2013? Ben non, si c'est que merci à vous de nous avoir reçus pendant 3 semaines. On prenait beaucoup de place, mais avec nos instruments et tout ça, mais merci. Dans notre minuscule petit studio. Ça. Non, ça nous fait plaisir de vous recevoir et c'est vraiment essentiel, je trouve, d'avoir des collaborations comme ça entre vous. C'est à refaire. Hein? Exactement. Ouais. Mathieu, merci. Si Vincent C t'a fait disparaître, j'aimerais ça dire que ça a été un bon 6 semaines, puisque je suis là depuis 6 semaines. Est-ce que tu vas dire ça à chaque fin de semaine? Oui. Non, mais là, j'ai plugué. Ça fait 8 semaines. Ça... Non. Mais c'est parce que je les grave, je regarde, j'ai des tatouages. J'ai des barres. Ouais. Non, non, mais je voulais juste mettre en contexte tout le monde. Mais c'est ça, c'était pour faire une blague, mais finalement, ça vire au désarroi. Ouais. On est de même, nous autres. On, c'est on la a des bonnes étapes. Vincent C va être là tantôt. Ouais. Moi, je fais ça. Je prévenais. Ben oui. Ben oui. Mais pour vrai. Ben si vous voulez faire un genre de recréation comme les reconstitutions à Canal Vie ou à Canal D, reconstitution d'assemblage requis, on va faire ça au Palmarès C'est fou. T'as marqué genre reenactment dans le coin, on va faire comme si c'était assemblage requis. Ah oui, c'est ça. On pourrait jouer le rôle. Mettons, moi, je jouerais le rôle de Mathieu Plante, tu jouerais le rôle de Jean-Philippe Charbonneau, tu jouerais le rôle de Karine Tardy. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, on pourrait faire ça. On se met une petite barbe. Puis là, on pourrait, dans le fond, pour faire un clin d'œil à ça, on pourrait faire comme si on est au Palmarès, là. Là, OK. OK, attends un peu. Ah ouais, ouais. Ça c'est vraiment excellent là, tu sais, on se met un petit fond des palmarès mettons, c'est quelque chose de vraiment énergique là, tu sais genre non, ça c'est pas assez énergique pour ça mettons. Non, pas tout. Come on, trouve-toi un fond le fun là. Allez, n'importe quoi. Ben trop calme ça, tu prends pour qui là? Ils sont toutes plates mes fonds finalement. Ah, c'est bon ça. Oh ouais, OK. Et c'est des palmarès, c'est fou. Ah ah, dans une autre position. Life inside Chocolate House. Ah ben, c'est de deux. Je n'aime pas comme ça du tout, hein? Non, non, non. C'est n'importe quoi. Hey, merci, Karine. Merci à vous. Est-ce qu'on se voit tantôt au palmarès si tu viens pas? Oui, oui, je vais être là avec Vincent C en personne dans les bureaux. Fait que si vous le croisez à l'université, là, beau jeune monsieur magicien, oui. Wouhou, magicien. On se retrouve tantôt au palmarès, mais restez à l'écoute, Assemblage Rocky n'est pas terminé. Non, on va écouter une musique du palmarès. Au palmarès, c'est fou! You flaunt it, not near me. I know now, I know. Run with the Kittens et Life Inside a Chocolate House. C'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis et la semaine au complet. Voilà, ben, c'est ça qui arrive, hein. C'est comme ça. On le choisit pas. On le choisit pas, ça. C'est jeudi, c'est pas de notre faute. Ben non! C'est Grégoire. C'est Grégoire, le calendrier grégorien. Bravo, bravo. Alors, on remercie Maxime Bilodeau, Karine Attardie, François Landry d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve lundi. Évidemment, on est en semaine de relâche lundi, mais l'émission continue. Et on va avoir quelques-uns de nos plus fidèles collaborateurs, là, ceux qui ne prennent pas congé. Mais sinon, nous, on va avoir quand même beaucoup de plaisir. Des tonnes! Ouais, on va, un peu comme à la manière de l'improvisation, on va faire un peu fantasme d'animateur. OK. Tout ce qui nous tente. Je vais te mettre tout nu. Je te dis ça là. OK, comme ça. On va exaucer chacun de nos rêves. C'est ouais, ça? C'est ça. Mais on pourrait avoir des chroniques farfelues. Oui. Des choses qu'on a jamais, que t'as jamais faites, que jamais. J'ai toujours voulu faire. Yves Corbeil en studio pour tourner la grande roue de fortune. Oui. Ça fait gagner des millions à un téléspectateur. Animé avec un micro qui a vraiment un très très long bâton. Okay. Comme The Price is Right. Oui, tout à fait. Oui. Oui, parlant de grand bâton, une autre affaire sexuelle. Kinky Sex Time. Kinky Sex Time. Ça va être bien, bien amusant et ça commence lundi, ouais. 7h à 9h. Il va y avoir des gens, il ne faut pas penser qu'il n'y aura aucun chroniqueur. Là. Peut-être un par jour. Non, mais nous, on va avoir de quoi dire. On a de quoi dire tout le long de l'émission, ouais. C'est sûr. On s'empêchera pas de vivre. Oh non. On se quitte avec Mauve, la pièce Beetle ou T-Bird. Reste à l'écoute pour l'émission. Ben, pour. C'est fou. Qui continue. Je sais pas, moi, je dis rien. Je sais même pas si c'est l'émission présent. C'est jour de neige. Comment? Urgence neige. Urgence neige. Je vais être de retour à 15h pour les Palmeurs assez fous avec Stéphanie Paradis, entre autres, peut-être Maxime Tanguay. On est dans le flou en ce moment. Donc, bonne fin de journée. Bye, Sophie. Je te souhaite une bonne fin de semaine, Mathieu. Bonne fin de semaine. Bon écouteur en spectacle ce soir. Merci, toi aussi, puisque tu vas être là. Fait qu'on se voit là. Hey, bye bye. Bye bye.